Le théâtre populaire de juin 44, dans une production de Maurice Bertrand, consacre la première partie de cette émission à un hommage rendu à Léon Blum à l'occasion du 10e anniversaire de sa mort, avec le concours de messieurs Gérard Jacquet, ancien ministre, président de juin 44, Jules Moc, ancien ministre, Jean Guéhenno et René Laloux, critique littéraire et dramatique. Monsieur Gérard Jacquet vous parle. Le 30 mars 1950, Léon Blum s'éteignait à Jouy-en-Josas. 10 ans déjà se sont écoulés et il nous manque comme au premier jour. Son influence avait progressivement dépassé les frontières de son parti et les frontières de son pays. Cependant, ni l'injure, ni la calomnie ne l'épargnèrent. Il supporta toutes les épreuves, et notamment celle de la captivité sous l'occupation nazie, avec un courage tranquille et souriant. Sa foi dans le socialisme était telle que même aux heures les plus tragiques, il gardait un optimisme inébranlable. Et comme Jaurès, il répétait volontiers les paroles de Guizot : les pessimistes ne sont que des spectateurs. Jules Moc, qui fut son ami, et un de ses plus proches collaborateurs, va retracer pour vous l'existence de l'homme d'État et du chef de parti. Mais pour que notre hommage soit complet, nous avons voulu exalter également l'écrivain, l'artiste et le penseur. Jean Guéhenno et René Laloux vont évoquer cette lumineuse intelligence qui nous a laissé un testament spirituel à l'échelle humaine, charte incomparable de la démocratie et du socialisme. La puissance d'analyse de Léon Blum, son charme d'esthète, sa rigueur de logicien s'affirment dans toute son œuvre de critique et de philosophe. Les pages qui seront lues vous en donneront un aperçu trop fragmentaire sans doute, mais cependant impressionnant. Juin 44 a tenu 10 ans après sa mort à faire revivre pendant quelques instants celui qui nous guidera longtemps encore sur la voie de la justice et de la vérité. Vous allez tout d'abord entendre mon ami Jules Moc. À 42 ans, Léon Blum est projeté dans la vie publique. Le 25 août 1914, ses amis acceptent pour la première fois de participer au pouvoir pour défendre le pays. Samba, aux travaux publics, lui confie son cabinet. Il le dirige jusqu'au retrait de son parti en décembre 1916. Un an plus tard, paraissent ses lettres sur la réforme gouvernementale qui, appliquée par lui en 1936, demeurent actuelles en 1960. 4 étapes dans ce destin hors série. Il dirige son parti, puis l'opposition, ensuite le pays, devient enfin à Rion le porte-parole de la République et, revenu de déportation, le sage qu'on consulte en son ermitage de Jouy. Il s'impose à ses amis en rédigeant en 1919 leur programme d'action, en sauvant une fraction de l'attraction communiste en 1920, en dirigeant le populaire qui remplace l'humanité, en faisant front aux attaques avec calme, hauteur de vue et honnêteté intellectuelle. Élu à la Chambre introuvable de 1919, il force aussitôt l'attention par un discours contre les réseaux privés, combat les politiques extérieures et financières de Poincaré, ces hommes s'opposent mais se respectent, pressant dès 1923 qu'inflation et chômage reconstitueront une Allemagne impériale même sans empereur, soutient les ministères de gauche, celui d'Hériot notamment, tout en refusant la participation socialiste. L'hitlérisme vainqueur en Allemagne, le fascisme menaçant en France, la misère née de la déflation rassemble en 1936 les gauches autour du programme du Front populaire. Comme toujours, leur union leur vaut victoire, cette fois socialistes en tête. Léon Blum n'échappe plus à son destin, il va gouverner. Débuts angoissants, entre scrutin et rentrée, des millions d'hommes revendiquent pour vivre, occupe spontanément les usines couronnées de drapeaux rouges. Le gouvernement de demain, s'écrit-il le 10 mai, sera un gouvernement de bien public, un gouvernement qui essayera de tirer, qui tirera ce pays de la torpeur, de l'anémie, de la défiance de lui-même. Tous nos efforts vont tendre à créer, à régénérer, à stimuler, au lieu de rationner, d'interdire, de détruire comme on l'a fait. Il s'interroge. Dans une bataille comme celle-là, il faut un chef. Il faut que, devant les circonstances nouvelles, un autre homme se réveille dans un homme. Je ne sais si j'ai les qualités d'un chef dans une bataille aussi difficile, mais il y a quelque chose qui ne me manquera jamais, c'est la résolution, c'est le courage et c'est la fidélité. Le 6 juin, il présente à la Chambre gouvernement et programme de Front populaire, entame avec les confédérations patronales et ouvrières la discussion qui, après des heures émouvantes, aboutit aux accords Matignon, aux hausses généralisées de salaires et à de profondes réformes sociales. Deux mois plus tard, clôture de session et bilan. Léon Blum avait promis large amnistie, semaine de 40 heures, contrat collectif, congés payés, grands travaux, nationalisation des usines d'armement, office du blé, scolarité prolongée, réforme de la Banque de France, révision des décrets-lois. Tout, sans exception, est voté et nombre d'autres réformes entreprises. Vient la cruelle épreuve de la guerre d'Espagne. Pour éviter une crise mondiale où nous resterions isolés, il se résigne à la non-intervention, non sans l'accord du gouvernement de Madrid. 1940, Léon Blum pourrait quitter la France, nous lui en avons fourni le moyen. Il refuse, est arrêté. Longtemps détenu, il écrit son œuvre la plus noble à l'échelle humaine. Devant la cour d'Orion, il attaque sur le champ. Si la République reste l'accusé, nous serons à notre poste de combat, comme ses témoins et ses défenseurs. Il réfute point par point l'acte d'accusation étayé sur un dossier de 100 000 pages. Trahison, sa fidélité aux volontés du peuple ? Elle dure encore, réplique-t-il. Et la France en recueillera les bienfaits dans l'avenir où nous plaçons notre espérance, et que ce procès même, ce procès contre la République, contribuera à préparer. Ses arguments, clandestinement répandus en France, puis largement diffusés à l'étranger, portent au point que Pétain interrompt le procès, s'arroge le droit de condamner Léon Blum à la détention perpétuelle dans un fort pyrénéen, puis le livre aux Allemands. De sa prison, Léon Blum écrit à De Gaulle plusieurs lettres parvenues à Londres. « Nous vous avons, dès la première heure, reconnu pour chef dans la bataille présente et n'avons rien négligé de ce qui pouvait accréditer et consolider votre autorité. » Il adjure le général de porter sa pensée au-delà du présent, de comprendre le rôle des partis, de contribuer à intégrer l'URSS dans la collectivité internationale et le Parti communiste dans la française, de préparer, après la victoire, une paix sans vengeance acceptable par le socialisme international. Échappé à la mort, libéré par les Alliés, Léon Blum nous revient le 14 mai 1945, pâle, faible, mais confiant. Le surlendemain, paraît son premier article dans le Populaire dont il reprend la direction, sans vouloir rentrer ni à la Chambre, ni au comité directeur de son parti. Il devient alors le conseiller de la pensée politique française et internationale. Sa philosophie, imprégnée des leçons de la guerre et de la dictature stalinienne, l'incline vers toujours plus d'humanisme. Il définit le 10 mai 1945, sa notion de la grandeur. Mot un peu équivoque, il ne faudrait pas qu'on en vînt à confondre la grandeur avec la puissance ou la force. Tous, nous voulons la grandeur de notre pays, mais nous la voulons d'abord dans un effort de concorde intérieure pour réaliser la justice sociale. Ensuite, en donnant à la France dans le monde la place qu'elle doit occuper, et que je ne mesure pas par des surfaces de territoire ou des chiffres de population, mais à l'influence que nous exercerons dans la direction spirituelle du monde et à la part que nous prendrons à la constitution d'une communauté internationale réelle et forte, seule garantie de la paix. Il disparaît brusquement le 30 mars 1950. Depuis 10 ans, la plaie reste ouverte. Depuis 10 ans, il manque au monde, à la France, à son parti, à la poignée survivante de ses amis et disciples jadis, que les crises ont, depuis sa mort, parfois séparés, mais pour qui son souvenir et son œuvre restent le symbole d'une nécessaire unité intellectuelle. Veuillez écouter M. Jean Guéhenno, qui va vous entretenir de l'humanisme de Léon Blum. Je tiens à grand honneur de participer à l'hommage qu'on rend ce soir à Léon Blum. Je ne l'ai connu que dans la période militante de sa vie, entre les deux guerres, mais j'avais pour lui une autre admiration et un autre respect que ceux qu'on a pour un grand chef politique. C'est qu'on sentait toujours, au-delà des engagements de parti, tout un homme dans tout ce qu'il disait et faisait. Souvent, pensant à lui, il m'est arrivé de penser, curieusement, à la Bruyère. Ce qui fait le mouvement du monde social, c'est quelquefois une certaine susceptibilité de l'âme à l'injustice du monde comme il va. Toujours, il se rencontre quelque conscience plus délicate qui ne peut plus la supporter et le dit. C'est ainsi que la Bruyère choisit d'être peuple et plaça au milieu de son livre cet extraordinaire chapitre du mérite personnel, ces premières grandes pages révolutionnaires qui prophétisaient la fin des privilèges. De même, dans le cas de Léon Blum, la même élégance de l'esprit et la même délicatesse de cœur qui avait fait de lui le critique de la Revue Blanche le conduisirent à l'engagement politique, voire à l'engagement révolutionnaire. Son ami André Gide, qui admirait en lui le critique littéraire, déclare dans son journal ne trouver plus d'intérêt à sa pensée dès qu'il la voit devenir un outil au service d'une cause. Il avait tort. C'est qu'il ne l'avait jamais bien compris. L'homme, écrit Léon Blum à la fin de son livre à l'échelle humaine, n'a pas deux âmes différentes. L'une pour chanter et pour chercher, l'autre pour agir. L'une pour sentir la beauté et comprendre la vérité, l'autre pour sentir la fraternité et comprendre la justice. Non. Et c'était là le principe même de son espérance et de sa foi. C'est la même âme qui pense, qui chante, qui cherche et qui agit. Et c'est ainsi que lentement change le monde. Vers 1898, il eut pleine conscience de ce que devait être sa vie. Il écrivait à ce moment-là cet étrange livre qu'il a intitulé « Nouvelle conversation de Goethe avec Eckermann », au long duquel il attribue souvent à Goethe ses propres rêves. À la date du 7 juillet 1898, voici ce qu'il fait dire à Goethe. « L'humanité ne s'élève que lentement au niveau de certaines idées, si claires, cependant, si impérieusement vraies, qu'il semblait qu'elles dussent s'imposer aussitôt à toute raison. Puis il semble soudain qu'à un moment déterminé de l'histoire, l'intelligence des hommes est acquise comme un sens nouveau. » Et Goethe continue. « Eh bien, il me semble qu'il en est de même dans la vie de chaque individu. Un moment vient où le monde apparaît sous un aspect imprévu, s'illumine d'une lueur inconnue et inévitable. Vraiment, nous abordons sur une terre nouvelle. Quant à moi, et c'est Goethe, mais c'est aussi Blum qui parle, j'étais porté à chercher dans le progrès de la science et par suite de la civilisation l'avenir certain des sociétés. Et puis un jour, je touchais la terre nouvelle. Ces deux questions s'étaient élevées soudain dans mon esprit. Comment certains hommes manquent-ils de pain? Car Heine l'a dit, la terre produit assez de pain pour nourrir tous les enfants des hommes. Pourquoi d'autres mangent-ils un pain qui n'est pas acquis par leur travail? La première condition de la liberté, c'est de détenir les aliments nécessaires de l'existence. Et dès lors, Goethe Blum décide d'écrire un troisième Faust, où l'on verra Faust devenir un agitateur socialiste et tâcher d'imposer la justice à l'humanité. Une politique n'est jamais que la mise en œuvre d'une certaine idée de l'homme. Quant à Léon Blum, ses pensées n'ont plus cessé de commander son action et sa vie. Il s'y est tenu à tout risque, courageusement, confiamment, sans colère. À ce qui vient tranquillement, n'ajoutez pas la colère, avait dit Goethe encore. Étrange orateur, qui n'aimait pas élever la voix, qui se méfiait du pathétique et des puissances de la passion, qui ne voulait compter que sur la puissance de la vérité, qui ne voulait pas séduire mais convaincre, démocrate admirable, qui ne fut jamais démagogue et qui à chaque instant pensait qu'on ne devait rien autant au peuple, à une assemblée d'esprits, que le respect. Et rien n'aura jamais ébranlé sa foi. En toutes circonstances, il n'eut souci que de continuer patiemment à travailler à l'échelle humaine. C'est, vous le savez, le titre du livre qu'il composa en prison, à Bourassol, puis au fort de Portalet. Mais, disait-il, on peut écrire et parler au fond d'une prison. Dans un pays à l'instinct généreux comme le nôtre, cela donne même plus de crédit à la pensée, plus de résonance à la voix. Le verrou de ma porte et les barreaux de la fenêtre ne m'ont pas séparé de la France. Il écrit donc avec une sorte d'optimisme, en dépit de tout. Certes, il sent le désastre autour de lui. La génération, dit-il loyalement, à laquelle j'appartiens, n'a pas réussi dans sa tâche. Mais il n'a pas à se défendre, à prononcer ni pour lui-même, ni pour la France, quelque apologie que ce soit. Il écrit aussi tranquillement, aussi fièrement que Renan l'avait fait au lendemain de la défaite de 1871. Aussi bien la France, dans l'instant même, n'est-elle, explique-t-il, que dans un interrègne. Elle ne se trouve pas devant le néant, elle n'est pas détruite, elle n'est pas encore vaincue, elle ne le sera pas. Elle n'a pas à exprimer, à expier comme les traîtres ne cessent de le lui crier. Il ne peut s'agir que de chercher ensemble les raisons d'un malheur et non pas d'une faute. Léon Blum le fait avec une objectivité exemplaire, sans ménagement pour personne, et non plus pour son propre parti, dont il analyse les erreurs. Son chagrin, et il ose l'écrire, c'est que dans la débâcle générale, son propre parti, par suite de ses erreurs même, n'ait pas pu être le sauveur. Je pense qu'il faut un merveilleux courage pour oser dire à ceux qu'on aime entre tous, la souveraineté implique une supériorité. Il a manqué pour entraîner la nation une générosité, une magnanimité, une prestance idéale, une évidence de désintéressement et de sacrifice à l'intérêt collectif. Tout ce que Nietzsche appelle quelque part le grand style dans la morale. Tout ce par quoi la morale touche à la religion et la propagande à l'apostolat. C'était là un dur et grand langage. Mais oser parler ainsi était fournir les moyens même de sortir du malheur. Il ne fallait que plus de foi, toujours plus de foi. Et toute la seconde partie de ce petit livre n'est qu'un appel à l'énergie, à la fierté, au désintéressement, à la grandeur d'âme, sans lesquelles il n'y aura jamais de démocratie véritable. Nous nous étions peut-être, dit-il, peu à peu coulés dans le monde de la vie ordinaire. Il y avait en nous quelque chose de trop arrivé. Mais il conclut que tout cela doit finir si nous voulons construire une démocratie énergique et efficace. Je voudrais vous faire lire les dernières pages de cet appel aux forces vives de la France. Monsieur Henri Roland va vous les lire. Le souffle de l'histoire est donc devenu favorable, et partout le peuple se sent porté par le destin. Mais voici où la difficulté véritable s'élève. Le peuple sera-t-il digne de ce destin? Sera-t-il égal au rôle dont l'investit déjà l'histoire? Comprendra-t-il ou se laissera-t-il persuader qu'un concours favorable ou même fatal de circonstances matérielles ne suffit pas à son avènement, ni surtout à sa possession durable ? Que pour saisir la direction d'une société, il a certes besoin de la force, de l'autorité que confère la coïncidence avec le plan et le penchant de l'évolution économique, mais qu'il a également besoin de la dignité, c'est-à-dire de l'ascendant que confère la compétence et la supériorité morale. Pour qu'une translation de pouvoir prenne la consistance d'un établissement historique, il faut qu'elle arrache un acquiescement à la conscience et à la sensibilité comme à la raison. Il faut que tout homme sincère soit tenu de s'écrier en sa présence non seulement « cela devrait être », mais « il est juste, il est bon, il est beau que cela soit ». Le peuple français, comme tous les autres, n'accomplira sa mission, c'est-à-dire n'édifiera une société à son image, que dans la mesure où il aura cultivé et exalté en lui-même les vertus qui justifient toute primauté humaine, l'intrépidité, la générosité du cœur, la droiture de la conscience et de la raison, l'abnégation de la personne vis-à-vis du bien collectif. Tel est le thème de la persuasion nécessaire. Telle est la tâche qui doit être entreprise, dès à présent. On ne disposera peut-être pour l'amener à bon terme que d'un intervalle assez court. Lorsque les affaires humaines ne sont pas engagées à temps et à fond dans les directions nouvelles, il faut toujours redouter qu'une sorte d'élasticité automatique les reconduise à leurs ornières primitives. Il n'y aura donc pas un jour à perdre. Ce dont il faut se pénétrer avant tout, c'est que l'effort resterait incomplet et vain s'il se bornait à une somme de catéchisation individuelle. Il existe une morale des groupes, politiques, sociaux, nationaux, comme une morale des personnes. Et c'est jusqu'au fond de ces organes de la vie collective que le travail de moralisation doit être injecté. Toute démocratie suppose activité libre et par conséquent lutte possible. Mais il n'est pas vrai que tout soit permis dans la lutte civique, que tous les moyens soient bons et que la fin les justifie. Qu'il s'agisse des partis, des groupes sociaux, de la presse, tout aussi bien que des individus. Aucun avantage, ni même aucune nécessité, ne justifie le mensonge, la diffamation, la manœuvre déloyale, l'abus de la force, la trahison des engagements pris et des paroles données. Si l'on se représente par la pensée l'ordre international, l'évidence devient plus saisissante encore, car il ne peut pas reposer sur une autre base que sur la validité des contrats. Et si ce fondement lui manque, tout s'écroule. Sans doute, une infraction à la loi des contrats demeurera toujours possible dans la vie internationale, comme un crime dans la société civile, mais il faut du moins que contre cette exception criminelle, la nation lésée puisse escompter sûrement l'aide de toutes les autres, c'est-à-dire que la moralité reste la loi. Comment toutes ces pensées concordantes n'apporteraient-elles pas à notre confiance un réconfort ? L'œuvre juste et nécessaire s'accomplira. Si jamais les misères et les vilenies du temps présent jetaient le trouble dans nos cœurs, eh bien, projetons nos regards au-delà de notre moment circonscrit dans la durée vers l'avenir. Étendons la vue au-delà de notre canton étroit de l'espace vers le but harmonieux de l'univers. Il ne s'agit pas d'oublier la tâche immédiate et de nous divertir par de vaines contemplations. Nous ne sommes pas des rêveurs, nous n'avons pas le moyen de rêver. Mais le moment présent passera. Les dictatures campées sur l'Europe passeront. Les misères et les vilenies passeront. Et il existe pourtant dans le monde des idées éternelles. Il existe une destinée humaine liée elle-même aux lois universelles et dans lesquelles nous devons inscrire notre destin d'un jour. Combien de fois ai-je répété, commenté les paroles de Nietzsche, que l'avenir et les plus lointaines choses soient la règle de tous tes jours présents. Ce n'est pas l'amour du prochain, c'est l'amour du plus lointain que je te conseille. Pourquoi la race humaine Pourquoi la nation française se montrerait-elle indigne dans l'avenir de ce qu'elles ont accompli dans le passé? La race humaine a créé la sagesse, la science et l'art. Pourquoi serait-elle impuissante à créer la justice, la fraternité et la paix? Elle a enfanté un Platon et un Homère, un Shakespeare et un Hugo, un Michel-Ange et un Beethoven, un Pascal et un Newton. Tous ces héros humains dont le génie n'est que le contact avec les vérités essentielles, avec la réalité centrale de l'univers. Pourquoi la même race n'engendrerait-elle pas les guides capables de la conduire vers les formes de la vie collective qui se rapprochent le plus des lois et de l'harmonie universelle? Le système social a sans doute ses lois d'attraction. L'homme n'a pas deux âmes différentes, l'une pour chanter et pour chercher, l'autre pour agir. L'une pour sentir la beauté et comprendre la vérité, l'autre pour sentir la fraternité et comprendre la justice. Quiconque envisage cette perspective se sent animé d'un invincible espoir. Que l'homme contemple le but, qu'il se fie à son destin, qu'il ne craigne pas d'user sa force. Quand l'homme se trouble et se décourage, il n'a qu'à penser à l'humanité. C'est M. René Laloux qui vous parle maintenant de Léon Blum, grand critique dramatique et littéraire. Quand Léon Blum fit paraître, en 1931, une nouvelle édition du livre sur Stendhal et le bellisme, qu'il avait publié d'abord en 1914, il déclarait dans sa préface « J'ai depuis lors changé d'existence presque aussi complètement qu'il puisse advenir à un homme. » C'est qu'en effet, durant plus de 20 années, sa carrière avait été une carrière d'écrivain. Il avait débuté en donnant des poèmes et des nouvelles à la revue Le Banquet, fondée en 1891 par Pierre-Louis et Fernand Greig. 3 ans plus tard, il était entré à la Revue Blanche, où il avait tenu tour à tour la rubrique de la Revue des Revues et celle de la Chronique littéraire. Lorsqu'il publia son Stendhal à la veille de la Première Guerre mondiale, Léon Blum était tenu pour un de nos meilleurs critiques et essayistes, car il était déjà l'auteur des nouvelles conversations de Goethe avec Eckermann et de 5 volumes de réflexions critiques portant sur des ouvrages littéraires et sur des œuvres théâtrales. Dans 4 de ses recueils, il avait groupé des articles et des études composés de 1907 à 1910 comme critique dramatique à la Grande Revue, puis à Comédia. Même quand les pièces dont il parlait n'ont connu qu'une existence éphémère, les pages que Léon Blum leur consacrait se lisent encore avec plaisir pour leur finesse nuancée et leur scrupuleuse honnêteté. À plus forte raison, goûtons-nous les analyses et les réflexions que lui inspirèrent des œuvres de qualité. Vous allez en juger vous-même en entendant 2 extraits de ses chroniques. Le premier se rapporte à la Bigote de Jules Renard et forme la conclusion d'un article qui commençait par cette phrase « Il y a tout de même des soirs où l'on est content d'être critique dramatique. » Le second vous montrera avec quel mélange d'humour et de lucidité Léon Blum dénonçait un des paradoxes de Bernard Shaw dans sa comédie de Candida. Ces 2 textes vont vous être lus par Jean Mercure. Je n'ai compté cette pièce que d'assez loin. En réalité, je n'aurais pas dû la compter du tout. Et je m'aperçois combien mon analyse en a laissé filtrer peu de choses. Je n'en ai fait sentir ni le mouvement, ni l'émotion, qui dans tous les moments d'arrêt, de repos, de contact un peu prolongé entre les personnages, atteint à la même intensité qu'au poil de carotte, ni l'originalité comique, ni la puissance pittoresque. Sans revenir aux personnages centraux, les portraits de la vieille Honorine, de son fils Jacques Loup, de la tante Bâche, à qui M. Lepic fait si grand peur, de Madeleine Berthier, tous dignes par la netteté et la force agressive du trait du peintre de Philippe et de Ragotte. Le dialogue est fait de répliques brèves, qui pourraient sembler discontinues, par la raison que chacune se suffit, et dont pourtant la trame solide ne permettrait guère une coupure ou un rajout. Il est plein de formules imprévues et profondes, dont je me garderai bien de dire qu'elles sont de l'esprit, bien qu'elles commencent par faire rire, et que je qualifierais plutôt de trouvailles poétiques, tant elles se prolongent et retentissent, tant elles font tenir d'émotions secrètes en quelques mots. Ça paraît d'abord comique par l'inattendu. Et la première surprise passée, on s'aperçoit que cela est aigu, perçant, douloureux. N'ai-je point d'objection? Un critique en a toujours. Je ne sais, par exemple, si dans la scène de M. Lepic et du jeune Roland, qui est la scène capitale, M. Lepic n'apporte pas un peu trop d'insistance à effrayer son futur gendre. Il semble presque, à certains moments, qu'il veuille le détourner d'épouser Henriette et pousser jusque-là le caractère, c'est sans doute l'outré. Je ne sais aussi, bien que les confidences de M. Lepic soient préparées avec un tact et un art parfait, si l'ampleur n'en dépasse pas ce que comportait la situation et le personnage. Ce sont là des objections auxquelles il serait sans doute facile de répondre, et je me chargerai même de la réponse au besoin. Mais il importe peu. Il est facile de tout discuter au théâtre. Ce qui n'est pas facile, ni fréquent, c'est d'admirer. C'est de sentir tout à la fois, comme nous le sentions devant la bigote, cette pleine satisfaction que crée l'œuvre d'art achevée. Cette émotion qu'inspire la vérité. Ce respect qu'impose la noblesse et le courage de la pensée. Je ne disconviens pas que, dans cette conclusion parfaitement rigoureuse, quelque chose choque le spectateur français. D'abord, nous concevons mal que, dans le choix qu'une femme doit prononcer entre deux hommes, l'attrait physique n'intervienne pas. Nous concevrions à la rigueur que ce mobile ne fût pas le prédominant, mais nous exigeons tout au moins qu'il apparaisse. Ici, tout se passe, je l'ai dit tout à l'heure, comme s'il s'agissait d'une mère partagée entre deux enfants. Candida est parfaitement asexué, ou du moins, dans sa délibération, pas un instant, le facteur sexuel n'entre apparemment en jeu. Cette particularité est bien anglaise. Et cependant, Candida a des enfants. Et Morel est un ancien champion de cricket. Mais il est courant, comme on sait, que dans les romans anglais, les héroïnes se trouvent tout à coup mères, sans que rien ne nous ait appris au préalable qu'elles aient eu la moindre occasion de concevoir l'enfant qu'elles ont. La conclusion de Bernard Shaw nous choque encore, en ce que la notion de la justice se confond volontiers pour nous avec la notion d'équilibre et de compensation. Nous pensons que la somme du bonheur doit être finalement égale pour chaque être, ou tout au moins que notre effort réfléchi doit tendre en ce sens. Que par suite, la souffrance passée confère plus de titre que le bonheur acquis au bonheur futur. Et Bernard Shaw pense au contraire que l'habitude crée le droit par cela même qu'elle a créé le besoin. Axiome moral qu'il ne serait pas difficile de transporter sur le terrain social. Et il est plaisant, soit dit en passant, de voir l'agitateur socialiste qu'est Bernard Shaw fournir un argument d'une telle force au plus dangereux des paradoxes conservateurs. Dans le domaine de la critique et de l'histoire littéraire, l'ouvrage le plus important de Léon Blum reste incontestablement Stendhal et le bellisme. Comme je l'ai rappelé, il avait paru au mois de juillet 1914. On ne saurait donc lui rendre un meilleur hommage qu'en disant que son auteur a pu le faire reparaître 17 années plus tard sans en avoir modifié un seul mot. Si le livre n'avait aucunement vieilli dans cet intervalle et s'il demeure encore très actuel pour un lecteur de 1960, cela tient en bonne partie à ce que Léon Blum y avait magistralement analysé la complexe dualité qu'il indiquait dans ce titre, Stendhal et le bellisme. Il existe en effet des écrivains célèbres dont la vie posthume se confond avec celle d'un chef-d'œuvre. Par exemple, fort peu de lecteurs des Liaisons dangereuses s'intéressent à la personnalité du général Choderlos de Laclos. Au contraire, pour les admirateurs du Grenoblois qui adopta le pseudonyme de Stendhal, Henri Bell n'est pas moins important que le romancier de la Chartreuse de Parme. Ainsi est-il bientôt devenu l'objet d'un culte fort justement nommé le bellisme. Ainsi, comme il advint à beaucoup d'idoles, son image a-t-elle été souvent déformée au gré des hommes et des générations. Écoutez donc Léon Blum, par la voix de Jean Mercure, tracer d'abord un portrait familier de Stendhal, puis le confirmer en dissipant quelques images légendaires et tendancieuses. Pour imaginer Stendhal sous l'aspect juste, il faut se rappeler cette vie éternellement vagabonde qu'il a en partie voulu, cette solitude ininterrompue qu'il n'a pas voulu et dont il a pâti, cette instabilité universelle qu'aucun lien, quel qu'il fût, n'a jamais attaché à rien. Sociable par essence et presque à l'excès, Il n'a jamais fait corps avec aucun système social. La solitude dans un cloître aurait pu le modifier par l'étude et la réflexion. Le mouvement de la vie l'a agité en le maintenant intact. Rien ne l'a distrait de ses émotions, de ses convictions originelles. La vie a pu les recouvrir, elle ne les a ni atténuées ni redressées. Il a constamment vécu de lui-même avec ses premiers besoins et ses premières ressources. Ainsi s'explique ce qui est le trait caractéristique de l'écrivain, c'est-à-dire cette étonnante préservation des forces vives, de la sensibilité. Toujours soustraites à l'action des disciplines, des habitudes, des devoirs, elles ont gardé jusqu'au bout leur direction et leur intensité initiale. Stendhal aimait les comparaisons familières. Disons qu'il était resté après 50 ans un vieux jeune homme, comme on voit au Quartier Latin de vieux étudiants. Ils ont vu partir depuis longtemps leurs camarades, ceux qui furent un instant jeunes avec eux, avec mépris ou avec envie selon les soirs. Ils songent que ceux-là possèdent chacun son métier, sa famille, sa tâche d'homme, et que les souvenirs d'autrefois, si quelque hasard les évoquait, leur paraîtraient aussi lointains que les récits d'un étranger. Pour eux, ces souvenirs sont la réalité même, puisqu'ils ont conservé leur langage ou leur visage de 20 ans. Leur existence rêveuse, machinale, fait du présent un passé qui se prolonge. Mais l'une après l'autre, ils voient passer près d'eux les générations fraîches. Et séparés de leurs compagnons d'âge par la raison, ils se sentent tout proches des nouveaux venus par la jeunesse. Peut-être entrait-il dans la destinée de cet homme si simple de n'être jamais compris et accepté simultanément. Les romantiques l'ignorent, ou le ravalent au rang subalterne d'un amateur spirituel, alors qu'il est un grand esprit et un grand artiste. Les normaliens de 1850 ne voient en lui qu'un voltairien, un écrivain sans emphase, un homme qui sait raisonner sur les sentiments et qui a deviné la psychologie scientifique, alors que son originalité ou même son génie est de combiner la plus froide clairvoyance avec la susceptibilité la plus ardente, d'adapter sa rigide méthode à une faculté infinie de souffrance, à un goût presque lyrique de la passion. Suivant l'exemple de Pascal, il joint à l'excès d'une vertu l'excès de la vertu opposée, et l'un sans l'autre ne serait rien. Les littérateurs de 1885, éclairés par l'analogie des conditions, le touchent de si près que son œuvre paraît s'absorber en leur vie. Mais à leur tour, ils font leur choix partial dans le mélange. Ils restreignent la sensibilité stendhalienne. Ils la privent de cette pureté désintéressée que lui confère le voisinage d'un grand système et une idée parfaitement libre du bonheur. On les voit progressivement isolés dans l'homme, l'égotiste, l'analyste, l'apôtre de l'action coûte que coûte. Répétons-le une fois de plus. Tout l'effort de Stendhal, artiste, est de montrer la force nue de la passion. Toute la doctrine de Stendhal, moraliste, tend vers une idée du bonheur où l'action ne tient aucune place. Il serait tout à fait absurde de vouloir enrôler Léon Blum parmi les philosophes de profession qui édifient des systèmes. On ne le trahit point, en revanche, en disant que sa pensée a été constamment dominée par la conviction que l'idéal de grandeur humaine auquel il croyait avec ferveur ne pourrait se réaliser que par un double progrès. Il maintenait en effet que, si notre premier devoir était d'assurer aux hommes une vie meilleure, ce but ne pouvait être atteint que par une organisation sociale plus équitable qui permettrait la libre expression qui devait plus tard orienter son action dans la politique. Léon Blum l'avait conçu et formulé au temps de sa jeunesse d'écrivain dans un ouvrage longuement mûri. Car si les fameuses nouvelles conversations de Goethe avec Eckermann ne parurent en librairie qu'en 1901, les dates de ces chapitres s'échelonnent de juillet 1897 à septembre 1900. Nous en avons détaché à votre attention deux passages que va vous lire Henri Roland, dans lesquels Léon Blum, sous le couvert d'un entretien fictif entre le grand poète humaniste et son biographe attentif, associait intimement ces deux idées de la liberté et de la justice, dont l'accord avait fondé l'unité de sa propre pensée et allait inspirer ses actes pendant un demi-siècle encore à l'échelle humaine. Ce soir, Goethe, morose et fatigué, parlait peu. Plus d'une fois, il m'a paru livré à un sentiment de regret et de solitude. Vers la fin de la soirée, il a dominé cette impression mélancolique qui ne lui est pas habituelle, et nous avons travaillé pendant une heure à revoir les épreuves de la nouvelle édition de Willem Meister. Quand je me suis levé pour prendre congé, il m'a dit ces paroles qui m'ont frappé, mais que je n'ai pas bien comprises. « Mon enfant, il faut aimer la vie et travailler pour qu'elle aime chacun de nous. Et si nous la trouvons mauvaise et dure, il faut l'aimer cependant et la réaliser meilleure, non par le désespoir et la violence, mais par le travail. » C'est ce que les meilleurs d'entre nous comprennent spontanément. Ils aiment naturellement le travail, l'action, la pensée. Ils sont nés les bons ouvriers robustes, prêts à la tâche, qui sauront souffrir et travailler seuls. Mais aux plus faibles, pour les gagner au devoir de vivre, à la joie de vivre, il faut le bonheur, l'amour, la paix du cœur, le charme continu des présences douces. Ce que je dis est vrai de toutes les faiblesses, et il n'est pas un de nous qui, à certaines heures, ne soit un faible à son tour. C'est pourquoi l'avenir à qui incombe tant de grandes tâches, qui doit réaliser la paix du travail, l'équité laborieuse, devra peut-être avant toute chose assurer toute sa liberté à l'amour. J'avais tout attendu de la science. Sans doute la science accroîtra sans mesure les richesses de l'humanité. Mais avant tout, ne faut-il pas préparer leur distribution équitable? Et il me semble aussi, dis-je, que ces deux questions donnaient leur forme exacte aux préoccupations vagues de Schiller. La première condition de la liberté, c'est de détenir les aliments nécessaires de l'existence. Goethe s'était aperçu, durant qu'il parlait, de mon extrême satisfaction. Il se leva et vint me frapper l'épaule en souriant. « Oui, dit-il, pour être libre, il faut d'abord être. Et toute société qui prétend assurer aux hommes la liberté doit commencer par leur garantir l'existence. »« Eh bien voilà, dit Goethe, maintenant que l'Amérique est découverte, cela nous paraît tout simple. » Pourtant, Schiller et Beethoven étaient des hommes plus grands que nous. Et Beethoven fut peut-être le plus grand des hommes. La liberté était leur rêve et leur pensée de tous les instants. Mais le talisman magique ne les avait pas touchés. Leurs yeux n'étaient pas nés à l'évidence. Mais, dis-je, pourrais-je savoir comment jaillit en vous le dessein d'adapter à la fable de Faust toutes ces idées nouvelles ? Goethe répondit, je relisais un soir la fin du second Faust pour lequel vous savez ma prédilection. J'arrivais à la scène où Faust, aveugle et roi d'un royaume magique, est à la veille de mourir. Sans qu'il s'en doute, Méphistophélès et les lémures travaillent à creuser sa tombe. Mais Faust, à qui parvient le bruit des pioches, s'en réjouit, car il croit entendre les ouvriers qui, sur son ordre, travaillent à dessécher des marais. Vous vous souvenez de ce passage? Oui, dis-je. Et Faust, toujours vaillant, toujours actif, se sent heureux à guider ainsi le labeur des hommes. Je me rappelle le texte avec beaucoup de précision. La nuit paraît être devenue plus profonde, mais à l'intérieur brille une lumière éclatante. Ce que j'ai résolu, je veux m'empresser de l'accomplir. La parole du Seigneur a seule de la puissance. Ô vous, mes serviteurs, levez-vous, saisissez l'instrument, remuez la pelle et le pieu. Très bien. Puis Faust sort de son palais, arrive au milieu des travailleurs diaboliques et sans les reconnaître, leur expose ses projets. Ce sont ses dernières paroles. Elles étaient aussi à mes yeux le dernier mot du travail utile. De l'activité féconde. Pour le docteur infatigable, j'en avais fait un vrai signe de rédemption. Un marais se traîne le long des montagnes. Dessécher ce marais méphitique, ce serait le couronnement de nos travaux. J'offrirais des vastes plaines à des millions d'hommes pour qu'ils y vivent librement, sinon sûrement. un paradis sur terre. Savez-vous la suite, Kerman ? Je continuais ces vers admirables. Oui, je m'abandonne à la foi de cette parole qui est la dernière fin de la sagesse. Celui-là seul est digne de la liberté comme de la vie, qui tous les jours se dévoue à les conquérir et emploie sans se soucier du danger d'abord son ardeur d'enfance, puis sa sagesse d'homme et de vieillard. Puissais-je jouir d'un tel spectacle, vivre avec un peuple libre sur une terre de liberté? À un tel moment, je pourrais dire, reste encore, tu es si beau. Là finissait pour moi, dit Goethe, la libre audace de l'esprit. Aiguiser l'énergie virile, ouvrir libre carrière à la science. Quand j'écrivais ces vers, je n'avais en vue que le règne de la civilisation. Mais, me dis-je, ce qu'il faut préparer maintenant, c'est le règne de la justice. Et je compris que pour faire un peuple vraiment libre, c'est-à-dire pour créer une société juste, il ne suffit pas de dessécher des marais. Je résolus donc de prolonger la vie de Faust, de lui rendre encore une fois la force et la jeunesse, et de le lancer tout armé dans cette tâche nouvelle, imposer la justice à l'humanité. Ici s'achève l'hommage rendu à Léon Blum, qui vous a été présenté par messieurs Gérard Jacquet, Jules Moc, Jean Guéhenno et René Laloux, avec le concours de Henri Roland de la Comédie-Française et Jean Mercure. En seconde partie de cette émission, veuillez écouter « Crinquebille », pièce en trois tableaux d'Anatole France, qui vous est donnée dans une réalisation de Roger Dattis, avec la distribution suivante. « Crinquebille », Pierre Larquet, le président Bourriche, Henri Roland de la Comédie-Française, le docteur Mathieu, Jean Mercure, maître Lemerle, Pierre Stéphane, l'agent 64, Edmond Beauchamp, au Barré, Hubert Prélier, l'ermite Gaëtan Jor, le marchand de marron Charles Laviable, le camelot Pierre Ferval, l'agent 121 Jean Bourgogne et l'huissier Marcel Alba. Madame Bayard, Suzanne Delvé, la souris René Dandry, l'ouvrière Laure Diana, Madame Laure Fanny Marette, la petite fille André Gille et la récitante Olga Nilza. L'action se passe vers 1900, rue de Beaujolais, à Paris. Il est 11h du matin. Si la maison Gamron, Cormandel et compagnie, que j'ai l'honneur de représenter sur cette place, s'est enfin décidée au sacrifice multiple dont l'énumération vient de vous être faite par moi, ça n'est pas, messieurs, dans un but purement humanitaire. Vous ne le croiriez pas. Je vous demande, messieurs, et je m'adresse plus particulièrement aux personnes qui ont l'habitude de ce travail, pensez-vous qu'un bijoutier se contentant d'un bénéfice dérisoire puisse matériellement établir cet article à moins d'un franc 50 ? Non, n'est-ce pas ? Mais tout ceci n'est rien. Voici le bouquet. Les deux derniers articles, retrousse jupe, fixe serviette, reliure automatique, et enfin, chaîne de montre au collier de dame avec un fermoir presque en or. Le prix ? Aucun, rien, un cadeau, car il ne s'agit pas ici de 4 francs 40, 3 francs, ou même 2 francs, ou même 1 franc, pas même 50 centimes. Il s'agit, messieurs, de la somme grotesque, ridicule, stupéfiante, absurde, de 20 centimes. Et si rentrez dans vos familles, réunis sous la lampe, autour de la table, où doit fumer le repas du soir, si par un sentiment de curiosité, vous essayez de vous rendre compte du pourquoi qui a guidé la maison Cameron, Cormandel et compagnie, arrêtez-vous dans vos investigations. Renoncez à comprendre. Vous n'y parviendriez jamais. C'est une réclame. Est-ce que c'est bon cette affaire pour enlever les taches? Mais ma pauvre femme, voilà 25 ans que je suis teinturier. Si c'était bon, je l'emploierais. C'est une cochonnerie. Enfin, tout ça pour 4 sous, c'est pas cher. Des choux avec les carottes. Des choux avec les carottes. Voyez mes asperges, mesdames. Eh ben, où qu'elles sont, vos asperges? pas ma ligne. Ces asperges, c'est des poireaux. Poireaux, c'est l'asperge du pauvre, tout le monde sait ça. Oh, hey, Père Grigby. Oh, laissez-le donc. Oh, il a besoin de gagner sa vie. Oh, c'est comme moi, vous gagnez votre pain, tas de gosses. Tu gagnes ta vie, toi. Oh, c'est rien du tout. Il couche dehors, il est abandonné, il n'a pas de parents. S'il n'a pas de parents, c'est leur faute, c'est pas la sienne. Oh, il n'a pas de quoi manger, il nourrit un chien. Voilà. Mange-le, ton chien. Qui a dit que je couchais dehors? Qui l'a dit? Qui le répète moi? Je couche pas dehors. Et la preuve que v'là ma fenêtre. Oh, elle a pas de carreau, ta fenêtre. Il couche dans les démolitions. Je garde la nuit le magasin qui est en réparation. C'est preuve que je suis honnête. Puis, je veux pas qu'on m'embête. Dis-donc, mais qu'est-ce que tu bricoles pour vivre? Je ramasse les balles de pommes, je crie le journal, je fais les commissions, tout, quoi. Mais comment tu t'appelles? La souris. Ah, tu t'appelles la souris. Eh ben, la souris, t'as plus de jugement que les autres. Ah oui, tu comprends mieux la vie. C'est que j'ai eu de la misère. Eux, ils connaissent rien. On n'a pas été malheureux, on peut pas être bien malin. T'as eu de la misère? J'en ai encore, la misère, ça colle. Mais c'est vrai que t'as pas bonne mine. Allez, tiens, prends, v'là une poire, elle est un peu bleute. Mais elle est d'une bonne espèce, c'est du beurré. Elle est vraiment molle. Ah oui? Si ta femme a le cœur aussi tendre. Merci tout de même, Père Grigby. Est-ce qu'ils sont bons, vos choux? Oh, y a pas meilleur, c'est au cœur. Combien qu'ils valent? Parce que maman est malade, elle peut pas faire son marché. Mais qu'est-ce qu'elle a? Où que ça la tient, ta maman? Je sais pas. Si on dedans. Elle m'a dit comme ça de vous acheter un chou. Eh ben, ma petite fille, n'aie pas peur, je te servirai bien. Là, comme si c'était que je servirais ta maman. Là, tiens, allez, là le plus beau, il a l'air d'un sénateur. Allez, c'est 6 sous. Oh, mais monsieur, maman ne m'a donné que 5 sous. Bon, faut pas mentir, ma mignonne. Cherche bien voir si t'en as pas mis un dans ta poche. Non, monsieur, je n'ai que 5 sous. Ah, t'as que 5 sous. Eh ben, mon petit lapin, allez, donne-moi un béco, hein, ça fera le compte. Et puis tu demanderas à ta mère s'il était paumé comme celui-là, le chou qu'elle t'a trouvé. Allez, va, ma mignonne, va. Et prends garde de pas tomber en route. Oh, hein. Merci, précieux pays, merci. Fais attention. Ah, c'est gentil. Eh, bonjour, Madame Laure. Alors, Madame Laure, ça va-t-il comme vous voulez? Vous n'avez rien de bon aujourd'hui? Oh, si on peut dire. C'est en creux, vous aura dit. Allons, aujourd'hui, vous me cherchez les mauvaises raisons. Vous êtes mal réveillé. Ils n'ont pas de goût, c'est comme si on mangeait de l'eau. Mais là, je vais vous dire, vous avez plus de palais. Et non, vous sentez plus ce que vous mangez. C'est la vie de Paris qu'il veut. On se brûle l'estomac. Eh ben, qu'est-ce que vous deviendriez les unes et les autres si le Père Crinquebille vous apportait pas de légumes fraîches et rafraîchissantes? Vous seriez en feu. C'est vrai tout de même qu'on se brûle à Paris. Mais Père Crinquebille, je voudrais être au jour où je me passerai de vos choux et de vos carottes, où j'en ferai pousser moi-même à même la terre dans un petit jardin à 80 lieues de Paris, chez nous. Ah, on serait si tranquille à la campagne à élever ses poules et ses cochons. Ça viendra, Madame Laure. Ça viendra. Vous désespérez pas. Oui, oui, vous avez de l'ordre et de l'économie. Vous serez riche sur vos vieux jours et vous aurez une maison à vous dans votre endroit. Enfin, dans l'endroit de votre naissance, quoi. Et vous serez estimé, là. Au revoir, Madame Laure. À une autre fois, Père Grigby. Au revoir. Mais oui, c'est... C'est qu'il y a du bon monde dans tous les états. Alors, faut pas. Des choux, les laver les carottes. Des choux, les laver les carottes. Oh, mais ils sont guère bons, aux poireaux. Combien la botte? 15 sous, la bourgeoise. Oh, il n'y a pas meilleur. 15 sous, mais... 3 mauvais poireaux. Circulez, allez. Allez, c'est vendu. Allons, pressez-vous parce que vous avez entendu la joie. Non, mais enfin, il faut encore que je choisisse la marchandise. Allez, circulez. Oui, allez, tout de suite. Alors, allez, dépêchons, Mme Bayard. Attendez, voulez-vous 12 sous? Oh, 12 sous. Et depuis 7 heures, je me brûle les mains, mes brancards. En criant les choux, les laver les carottes, et tout ça, ce serait pour y manger de l'argent. Alors, à 60 ans passés, vous comprenez, et je fais pas ça pour mon plaisir, moi. Ah non, ça serait pas à faire, allez, Prenez-les, je gagne pas 2 sous. Non, mais tenez, je vous donnerai 14 sous. Hein. Et encore, faut que j'aille les chercher dans la boutique, car je les ai pas sur moi. Allez, circulez, circulez. J'attends mon argent. Je ne vous dis pas d'attendre votre argent, je vous dis de circuler. Mais quoi, vous ne savez pas ce que c'est que le circuler? Et voilà 50 ans, je le sais, que je roule ma voiture. Mais on me doit de la monnaie, alors c'est là, l'ange gardien. Allez, rien, mais... Le magasin de chaussures, Mme Bayard. Elle est allée me chercher 14 sous et j'attends. Voulez-vous que je vous foute une contravention? Voulez-vous? Allons, débarrassez-moi le plancher. Est-ce compris? Mais nom de Dieu, voilà 50 ans que je gagne mon pain en vendant des choux, des navets, des carottes. Et parce que je veux pas perdre 14 sous qu'on me doit. Donnez-moi votre plaque. Ma plaque? Oui, votre plaque d'ambulant. Oh, mon garçon, si vous voulez ma plaque, faut venir chez moi. Vous n'avez pas de plaque? Mais si, j'en ai une. Mais elle est chez moi. Allez, votre nom? Mais, oh, mon nom, des blagues. C'est 14 sous qu'on me vole et voilà tout. Allez, allez, je m'en vais. Voulez-vous rester? Non, je m'en vais. C'est trop tard. Mais tout ça, c'est Mme Bayard qui en est la cause. S'il était là, elle le dirait. Alors, étonnant qu'elle ne soit pas là, Mme Bayard. Mais où qu'elle se cache? J'avais dit mon revanche. C'est bon, suivez-moi. J'ai dit ça. Oui, que vous l'avez dit. Mais non, mon revanche. Ah, et maintenant? Quoi? Que vous l'avez pas dit, mon revanche, non? Si, si. Ah. Mais c'est pas à vous que je l'ai dit. Vous me l'avez pas dit. Mais non, d'une bourrique. Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais il y a qui dit comme ça que je me suis tourné vers lui pour y crier mon revanche. Ah, maintenant, vous pouvez le dire 200 fois, c'est le même prix. Mais je leur explique. En voilà assez. Permettez. Permettez, monsieur l'agent. Oui. Vous vous êtes mépris. Mépris. Mépris que vous dites. Avez mal compris, cet homme ne vous a pas insulté. Mal compris. J'ai assisté à toute cette scène et j'ai parfaitement entendu ce qui a été dit. Alors? Et j'affirme que cet homme n'a proféré aucune insulte. Ce n'est pas votre affaire. Je vous demande pardon. J'ai le droit et le devoir de vous avertir d'une erreur qui peut avoir pour ce brave homme des conséquences fâcheuses. Et j'ai le droit et le devoir d'apporter mon témoignage. Tâchez-vous d'être poli. Oh, monsieur a raison. Le marchand n'a pas dit mort au vache. Je vous fais ramasser, vous. Vous n'avez pas été insulté. Le mot que vous avez cru entendre n'a pas été proféré. Quand vous serez plus calme, vous le reconnaîtrez vous-même. D'abord, qui êtes-vous? Moi, je ne vous connais pas, moi. Voici ma carte, docteur Mathieu, chef de clinique à l'hôpital Ambras-Paré. Ah, mais ça ne me regarde pas. Ça vous regarde. Je vous serai obligé de prendre mon nom et mon adresse et d'inscrire ma déclaration. Ah, vous insistez. Eh bien, suivez-moi, allez. Vous vous expliquerez devant le commissaire. Oh, c'est bien mon attention. Au poste. Allez, au poste. Comment, mais ça, c'est un peu fort. Si j'avais dit... Oh, mais c'est drôle, hein, un homme bien mis qui a de l'éducation, il se fourre dans cette affaire-là. Bah, s'il lui arrive du désagrément, c'est qu'il l'aura bien voulu. Il ne faut jamais se mêler des affaires des autres. Allons, viens, mon homme, quoi. J'ai bien vu comment ça s'est fait. Hein. Il appelait Mme Bayard ou qu'est-ce cache, et l'agent a entendu « mort aux vaches ». Allons, allons, viens, donc. Tu vas pas te faire ramasser comme témoin. Ah, allez, voilà votre monnaie. Tiens, il est arrêté. Faut pas remettre de l'argent à quelqu'un qui est arrêté. Ça, ça se doit pas. Je crois même que c'est défendu. Une chambre de la cour correctionnelle. Garde, introduisez l'accusé. Vous vous appelez Crinqueville? Oui. Vous appelez Crinqueby Jérôme, né à Poissy, Seine, le 14 juillet 1843. 43, vous n'avez jamais subi de condamnation? Oh, vous pouvez interroger, vous savez, je dois rien à personne. Un sou est un sou. Je suis exact en tout, ça on peut le dire. Taisez-vous. Oui, oui. Taisez-vous. Oui, vous pouvez être tranquille. Le 25 juillet dernier, à l'heure de midi, rue de Beaujolais, vous avez injurié... Outrager un agent dans l'exercice de ses fonctions. Vous l'avez traité de V. Quoi que... Vous reconnaissez les faits? Mais qu'est-ce qu'il dit, monsieur l'avocat? Alors, c'est à moi qu'il parle? Vous avez proféré des menaces. Mais... Vous avez crié mort au V. Mort au V? Ah, oui, mort aux vaches. C'est ça que vous voulez dire. Oui. Vous n'aimiez pas? Et non, bien sûr, ce que j'ai de plus sacré. sur la tête de ma fille, tenez, si j'en avais une. J'ai pas insulté l'agent. Voilà la vérité. Retracez la scène. Exposez les faits conformément à votre système. Non, écoutez, monsieur le président, je suis un honnête homme. Je ne dois rien à personne. Un sou est un sou. Je suis exact en tout, on peut le dire. Oh, je suis connu depuis 40 ans sur le carreau des Halles et puis dans le faubourg Montmartre. Et partout, quoi. Mais à l'âge de 14 ans, je gagnais déjà ma vie. Je ne vous demande pas votre biographie. Silence! Je vous demande de me dire comment, selon vous, s'est passée la scène qui a précédé votre arrestation. Voilà, ce que je peux vous dire, c'est que depuis 40 ans que je pousse ma voiture, je connais les agents, vous savez. Et dès que j'en vois un d'un côté, je file de l'autre. Et oui, comme ça, j'ai jamais de difficulté avec eux. Mais pour ce qui est de les injurier en parole ou autrement, jamais. Ah, ça, jamais. Ah, c'est pas dans mon caractère. Alors, et pourquoi j'en aurais changé à mon âge? Vous avez résisté aux injonctions de l'agent qui vous intimait l'ordre de circuler. Circuler? Oh là là, circuler! Eh ben, si vous aviez vu ça, les voitures étaient emboîtées les unes dans les autres, il n'y avait pas moyen de donner seulement un demi-tour de roue. Enfin, reconnaissez-vous avoir dit mort au V? Non, j'ai dit mort aux vaches parce que monsieur l'agent a dit mort aux vaches. Alors, j'ai dit mort aux vaches, hein, vous comprenez? Prétendez-vous que l'agent a proféré ce cri le premier? Oh, je prétends rien, je... Oui, vous n'insistez pas, vous avez raison, asseyez-vous. Silence! Nous allons entendre les témoins. Huissier, faites entrer le premier témoin. L'agent Bastien Matra. Vos noms, âge et profession? Matra Bastien, né le 15 août 1870 à Bastia, Corse, gardien de la paix numéro 64. Vous jurez de dire toute la vérité avec la vérité, dites je le jure? Je le jure. Faites votre déposition. Et étant de service le 20 octobre à l'heure de midi, je remarquai dans la rue Beaujolais un individu qui me semblait être un vendeur ambulant et qui tenait sa charrette indûment arrêtée à la hauteur du numéro 28, ce qui occasionnait un encombrement de voitures. Je lui intimai par trois fois l'ordre de circuler, auquel il refusa d'obtempérer. Et sur ce que je l'avertis que je l'ai verbalisé, il me répondit en criant « mort aux vaches », ce qui me sembla être injurieux. Silence! Vous entendez ce que dit l'agent? Non, voilà, j'ai dit mort aux vaches parce qu'il a dit mort aux vaches. Alors j'ai dit mort aux vaches. Alors c'est facile à comprendre. Il n'y a pas d'autres témoins? Si, monsieur le président, il y en a encore deux. Comment deux? Nous avons fait citer deux témoins des charges. Maître, vous tenez à ce qu'ils soient entendus? Mais oui, monsieur le président. Que l'agent ne sortir pas. Madame Bayard. Vos noms, prénoms, âge et profession. Pauline Félicité Bayard, marchande de chaussures rue Beaujolais, numéro 28. Quel âge avez-vous? 30 ans. Silence! Jurez de dire toute la vérité, rien que la vérité. Levez la main et dites je le jure. Non, ôtez le gant de la main droite. L'huissier, faites-lui retirer son gant. Bon, dites, je le jure. Je le jure. Faites votre déposition. Oh, elle n'a pas seulement l'air de me reconnaître. Elle est fière. Silence. Alors, dites ce que vous avez à dire. Dites ce que vous savez sur la scène qui a précédé l'arrestation de Cringueville. J'achetais une botte de poireaux. Alors le marchand m'a dit « Dépêchez-vous ». Je lui ai répondu « Parlez distinctement ». Je lui ai répondu qu'il fallait pourtant que je choisisse la marchandise. À ce moment, une cliente est entrée dans la boutique. Je suis allée la servir. C'était une dame avec son enfant. C'est tout ce que vous avez à me dire? Pendant que le marchand s'expliquait avec la police, j'essayais des souliers bleus à l'enfant de 18 mois. Oui, mais je lui essayais des souliers bleus. Maître, vous n'avez pas de questions à faire poser aux témoins ? Non, monsieur le président. Et vous, Crankby, avez-vous une question à faire poser aux témoins ? Mais si, j'ai une question à poser. Voilà, j'ai à demander à Mme Bayard si j'ai dit mort aux vaches. Elle me connaît, c'est une cliente. Elle peut dire si c'est dans mon caractère de dire des mots comme ça, alors. Allez, vous pouvez parler, Mme Bayard. Vous êtes une cliente et une ancienne. N'interpellez pas le témoin, parlez au tribunal. Voyons, Mme Bayard, nous sommes de connaissance. Et la preuve, c'est que vous me devez 14 sous. Alors, c'est pas pour vous le réclamer, bien sûr. Je suis au-dessus de 14 sous, Dieu merci. Silence! Non, mais c'est pour dire que vous êtes une cliente. Je ne vous connais pas. Vous pouvez vous retirer, madame. Maître, cette déposition ne contredit en rien celle de l'agent. Alors, est-ce qu'il y a encore un témoin ? Un seul. Maître, insistez-vous pour qu'il soit entendu par le tribunal ? Monsieur le Président, j'estime que la déposition que vous allez entendre est utile à la démonstration de la vérité. Elle émane d'un homme éminent dont le témoignage est, à mon sens, important, capital, décisif. Vous êtes entré le dernier témoin. Monsieur le docteur Mathieu. Au nom, prénom, âge et profession. Mathieu Pierre-Philippe David, 62 ans, médecin en chef de l'hôpital Ambroise-Paré, officier de la Légion d'honneur. J'aurai de dire toute la vérité, rien que la vérité. Levez la main et dites, je le jure. Je le jure. Maître Lemerle, quelle question désirez-vous faire poser au témoin ? Monsieur le docteur Mathieu était présent lors de l'arrestation de Crankby. Je vous prie, Monsieur le Président, de lui demander ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu. Vous avez entendu la question ? Je me trouvais dans la foule assemblée autour de l'agent qui sommait le marchand de circuler. L'encombrement était tel qu'il était impossible de bouger. Aussi fus-je témoin de la scène qui eut lieu alors. Et je puis affirmer que je n'en perdis pas un mot. J'ai parfaitement remarqué que l'agent s'était mépris. Il n'avait pas été insulté. Le marchand n'avait pas poussé le cri que l'agent avait cru entendre. Mon observation fut corroborée par celle des personnes qui m'entouraient et qui furent unanimes à constater l'erreur. Je m'approchai de l'agent et l'avertis de sa méprise. Je lui fis observer que cet homme ne l'avait nullement injurié, qu'il avait tenu au contraire un langage très réservé. L'agent maintint le marchand en état d'arrestation et m'invita, un peu rudement, à le suivre au commissariat. Ce que je fis, je réitérai ma déclaration devant le commissaire. C'est bien, pouvez vous asseoir. Matra. Monsieur le Président. Matra, quand vous avez procédé à l'arrestation de l'inculpé, monsieur le docteur Mathieu ne vous a-t-il pas fait observer que vous vous mépreniez ? Vous venez d'entendre la déposition de monsieur Mathieu. Je vous demande si, quand vous avez procédé à l'arrestation de Crankby, monsieur Mathieu ne vous a pas fait entendre qu'il croyait que vous vous étiez mépris. Mépris ? Mépris ! C'est-à-dire, monsieur le Président, qu'il m'a insulté. Que vous a-t-il dit ? Il m'a dit comme ça, mort aux vaches. Vous pouvez vous retirer. Je livre avec confiance les paroles du témoin à l'appréciation du tribunal. Il en a un qui dans le cerveau. Je vais l'acquitter, mon vieux Crankby. Silence. Ces manifestations sont souverainement indécentes. Si elles se reproduisent, je ferai immédiatement évacuer la salle. Maître Lemerle, vous avez la parole. Maître, serez-vous long ? Non. J'estime que la déposition de l'agent Matra a singulièrement abrégé ma plaidoirie. Et si ce sentiment est partagé par le tribunal, je... Je vous demande si vous serez long. 20 minutes au plus. Vous avez la parole. Messieurs, j'apprécie, j'estime, je respecte les agents de la préfecture. Ce sont d'anciens soldats et qui restent soldats. Voilà qui plaît pour les cerveaux, les vendre au crack, mais payant, quoi. Garde, expulsez le perturbateur. Mais j'ai rien dit, mais puisque je vous dis que j'ai rien dit, vraiment. Non, non, mais certes, je ne méconnais pas les services modestes et précieux que rendent journellement les gardiens de la paix à la vaillante population de Paris. Et je n'aurais pas consenti, messieurs, à vous présenter la défense de Crankby si j'avais vu en lui l'insulteur d'un ancien soldat. Voyons les faits. On inculpe mon client d'avoir dit « mort aux vaches ». Mais toute la question est celle-ci. Comment Crankby l'a-t-il dit ? Et même, l'a-t-il dit ? Permettez-moi, messieurs, d'en douter. Je ne soupçonne pas l'agent Matra d'aucune mauvaise pensée, mais il accomplit une tâche pénible. Il est parfois fatigué, excédé, surmené. Dans ces conditions, il peut avoir été la victime d'une sorte d'hallucination de Louis. Et quand il vient vous dire que le docteur David Mathieu, officier de la Légion d'honneur, médecin en chef de l'hôpital Ambroise Paré, un prince de la science et un homme du monde, a cueilli mort aux vaches, nous sommes bien forcés de reconnaître que Batra est en proie à la maladie de l'obsession. Et le terme ne m'est pas trop fort, au délire de la persécution. Ah oui, mais oui. Avant de causer davantage, j'ai entendu. Très bien, silence. Toute marque d'improbation ou d'approbation étant sévèrement interdite, je vais ordonner aux gardes d'expulser les perturbateurs. Messieurs, j'ai là sous les yeux un livre qui fait autorité en la matière. On y apprend que les hallucinations de Louis sont fréquentes, très fréquentes, et que les gens sains d'esprit peuvent en être atteints sous l'influence d'une émotion vive, d'une fatigue excessive, du surmenage intellectuel ou physique. Et quelle est la nature ordinaire, constante de ces hallucinations? Quelle est la parole que l'agent Matra croira entendre dans cet état de malaise qui occasionne les fausses perceptions de l'oreille? Mort aux vaches! Est-il besoin d'insister, messieurs? Et alors même que Crimpy aurait crié mort aux vaches, il resterait à savoir si le mot a dans sa bouche le caractère d'un délit. Messieurs, en matière de contravention, il suffit que la contravention soit constatée, peu importe la bonne ou la mauvaise foi du contrevenant. Mais ici, nous sommes en droit pénal, en droit strict. Ce que le parquet poursuit, ce que vous punissez, messieurs, c'est l'intention délictueuse devant le tribunal correctionnel. L'intention devient l'élément essentiel du délit. Eh bien, dans l'espèce, l'intention existe-t-elle? Non, messieurs. Silence! Crimpy est un enfant naturel d'une marchande ambulante, perdu d'inconduite et de boissons. Il insulte sa mère à présent. Il est né alcoolique, d'une intelligence naturellement bornée, inculte. Il n'a que des instincts, et permettez-moi de vous le dire, ses instincts ne sont pas foncièrement mauvais, mais ils sont brutaux. Son âme est enfermée dans une gangue épaisse. Il ne comprend exactement ni ce qu'on lui dit, ni ce qu'il dit lui-même. Les mots n'ont pour lui qu'un sens confus et rudimentaire. Le voilà devant vous, abruti par 60 ans de misère. Messieurs, vous direz qu'il est irresponsable. Le tribunal va vous délibérer. Eh ben, faut que vous ayez l'instruction tout de même pour parler comme ça d'un trait. Oh, vous parlez bien, mais vous parlez trop vite. Eh oui, on peut rien comprendre ce que vous dites. Ainsi, moi, je ne sais pas seulement de quoi vous avez parlé. Je vous remercie tout de même seulement. Silence! Oh, que ce... Oh, ça me fait un coup dans le ventre quand il crie, celui-là. Non seulement vous auriez dû dire que je ne dois rien à personne, parce que c'est vrai. Je suis strict, moi. Un sou est un sou. Après ça, peut-être que vous l'avez dit, ça j'ai entendu. Et puis, vous auriez dû leur demander où c'est qu'ils m'ont étouffé ma voiture. Dans votre intérêt, tenez-vous tranquille. Vous dites donc, monsieur l'avocat, c'est mon jugement qui couvre à cette heure. Eh ben, il y en a long. Oh, bon Dieu, bon Dieu. Silence! Le tribunal... Acquitte! Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, attendu qu'il résulte des pièces du dossier et des dépositions entendues à l'audience, que le 25 juillet, jour de son arrestation, Crinqueby Jérôme s'est rendu coupable du délit de... Délit d'outrage envers un dépositaire de la force publique dans l'exercice de ses fonctions. Délit prévu et puni par l'article 224 du Code pénal, lui faisant application du dit article. Le condamne à 15 jours de prison et à 50 francs d'amende. L'audience est suspendue. Monsieur, arrête tout de même. Oh, j'aurais pas cru ça. Ah, elle est forte, celle-là. Oh. Alors, je suis un condamné. Eh bien, mon ami, nous n'avons pas trop à nous plaindre. Ouais. Nous aurions pu avoir pire. Oh, ça, c'est encore possible. Qu'est-ce que vous voulez? Vous n'avez pas suivi mes conseils. Ah, oui. Votre système de réticence était d'une insigne maladresse. Oui. Vous auriez mieux fait d'avouer. Mais mon garçon, je demandais pas mieux. Mais qu'est-ce qu'il fallait que j'avoue? Oh, tout de même, c'est pas ordinaire ce qui m'arrive. N'exagérons rien. Ah. Votre cas n'est pas rare, loin de là. Ouais. Allons. Oui. Bon courage. Oui. Allez, suivez-nous. Oui, je Monsieur, mais vous ne pourriez pas me dire où qui m'ont étouffé ma voiture. Allez, allez, allez, allez, oui. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Je finis mon croquis, tu vois. Pendant l'audience, je suis obligé de dessiner dans le fond de mon chapeau. C'est pas commode. Ah oui. Maintenant, je relève quelques petits détails. Dis donc, c'est tout de même fort la condamnation de ce pauvre marchand des quatre saisons. Que les juges aient condamné ce pauvre homme sans preuve. Sans preuve? Oui, au mépris de la déposition du professeur David Mathieu sur le témoignage de l'agent, ça me passe, je n'y suis plus. Mais c'est pourtant bien facile à comprendre. Enfin, comment la parole désintéressée d'un homme du plus grand mérite, de la plus haute intelligence, préférer le braiement de cet être ignare, sombre et têtu? Croire l'âne plutôt que le savant, tu trouves ça naturel, toi? Mais c'est monstrueux! Ce président bourriche est facétieux et sinistre. Ne dis pas cela, l'ermite, ne dis pas cela. Le président Bourriche est un magistrat respectable qui vient de donner une nouvelle preuve de son esprit juridique. Dans l'affaire Cringby? Mais sans doute. En opposant l'une à l'autre les dépositions contradictoires de l'agent 64 et du professeur David Mathieu, le juge serait entré dans une voie où l'on ne rencontre que le doute et l'incertitude. Le président Bourriche a l'esprit trop juridique pour faire dépendre ses sentences de la raison et de la science, dont les conclusions sont sujettes à d'éternelles disputes. Alors, un juge doit renoncer à savoir? Oui. Mais il ne doit pas renoncer à juger. À vrai dire, le président Bourriche ne considère pas Bastien Matra. Il considère l'agent 64. Un homme est faillible, pense-t-il. Mais l'agent 64 ne se trompe pas. C'est un numéro. Un numéro n'est pas sujet à l'erreur. Oui, enfin, ça c'est un raisonnement. Irréfutable. Et puis, il y a autre chose. L'agent 64 est un dépositaire de la force publique. Toutes les épées d'un État doivent être tournées dans le même sens. En les opposant les unes aux autres... On trouble l'ordre public, oui, j'ai compris. Ah! Enfin, si le tribunal jugeait contre la force, qui donc exécuterait les jugements? Sans les gendarmes, le juge ne serait qu'un pauvre rêveur, voyons. Au barré, on vous attend à la quatrième. Comment, l'audience n'est pas encore reprise? Mais non, non. Et Lucien n'est pas là? Pardon, maître. La condamnation à l'amende entraîne, en cas de non-paiement, une prolongation de peine. Oui. Alors... voudriez-vous être assez aimable pour remettre 50 francs à ce marchand des quatre saisons? Cringby? Oui. Sans lui dire d'où vient cet argent. Volontiers, monsieur. Merci. C'est moi qui vous remercie pour lui. Maître, c'est vous qui avez plaidé pour Cringby. Je vous cherchais. Oui, monsieur. Le docteur David Mathieu, vous avez témoigné pour nous. Pourriez-vous remettre ces 50 francs à votre client pour acquitter l'amende? Avec grand plaisir, mais j'ai déjà reçu 50 francs de monsieur... pour la même destination. Ah, très bien, monsieur. Monsieur. Qu'en pensez-vous, monsieur? Eh bien, 50 francs pour l'amende. Et 50 francs quand il sortira. Voilà. Parfait. Comptez sur moi, messieurs. Le tribunal. Ça recommence. À Paris, le soir, au coin d'une rue, près d'une maison en démolition. Il fait nuit, il pleut. Chaud, chaud les marrons! Chaud, chaud les marrons! Chaud, chaud les marrons! Mon vieux Cringby, depuis deux mois que t'es sorti de prison, oui. T'es plus le même. Bah, tu es mauvais coucheur, tu es mal embouché. Oui. Ça serait encore rien, mais tu n'es plus bon que pour lever le coude. Non, oui, c'est vrai, c'est vrai. J'ai plus le courage que j'avais. Je suis fini, quoi. Oui. Depuis mon affaire en justice, j'ai plus le même caractère. Je suis plus le même homme, quoi. Qu'est-ce que tu veux? Ils m'ont arrêté pour avoir crié mort aux vaches. C'était pas vrai. Mais il y a un médecin décoré qui leur a dit que non, ils n'ont rien voulu savoir. Ah, par exemple, les juges sont bien polis, hein. Pas un gros mot, alors, non, mais on ne peut pas s'expliquer avec eux. Ils m'ont donné 50 francs, et puis ils m'ont étouffé ma voiture qu'il m'a fallu 15 jours pour remettre la main dessus. Et tout ça, c'est vraiment extraordinaire. Je le jure comme si j'étais allé au théâtre. Ils t'ont donné 50 francs Ça, c'est nouveau. Ça se faisait pas autrefois. Ah non, et puis la prison, c'est convenable. On peut pas dire le contraire, c'est bien tenu, c'est propre. Hein? Oh, mais comment, on mangerait par terre, oui. Mais quand on sort de là, pas moyen de travailler, pas moyen de gagner un sou, tout le monde vous tourne le dos. Je vais te dire, Gregby, charge de quartier. Ah, oui. Même Bayard, la cordonnière qui fait une gueule quand je passe, elle m'affronte et c'est elle qui est cause que j'ai été ramassé. Oui, c'est elle. Le plus fort, c'est qu'elle me doit 14 sous. Hein? Oh, j'y aurais réclamé tout à l'heure, mais elle avait une cliente. Bonsoir, la compagnie. Ah, bonsoir, la souris. Ça va-t-il mieux, Père Crankby? Vous ne me remettez pas? Si, attends. La souris. Oui. Pourtant, vous me connaissez bien. Non. Vous m'avez donné une poire, même qu'elle était blette. Si elle était, oui, oh, c'est possible, oui. Ah, oh, je vais me reposer. Oui. Je loge ici, moi. Oh, je suis là. Dame qu'on a trimé toute la journée, j'ai crié la patrie, la presse, le soir. J'en ai la gueule tout abîmée. Et quand j'aurai cassé ma croûte, je me mettrai dans le plumard. Ah, oui. Sois la compagnie. T'en as pas de plumard. Pas de plumard. Oh, venez-y voir. Je m'en suis fait un plumard avec des sacs et des copeaux. T'as de la chance, ce môme. Ah oui, t'as de la chance de... Moi, il y a 2 mois que j'ai pas couché dans quelque chose de doux. C'est vrai, ils m'ont expulsé de ma soupente. La 30 nuits que je couche dans une remise sur ma charrette, c'est vrai. Et il n'a pas cessé de pleuvoir. La remise a été inondée. Et même, ils ont mis un gardien pour pas qu'on entre. Parce que oui, le mur remue, je comprends. Et oui, il est comme moi, le mur, parbleu. Il tient plus debout. Tiens, ah, Madame Laure. Et alors, bonjour, Madame Laure. 20 centimes de marron. Oui. Et bien chaud. Bien, Madame Laure, oui. Alors, vous ne me remettez pas, Madame Laure. Alors, le marchand de poireaux. Ne me les tirez pas de votre sac, on ne sait pas depuis combien de temps ils sont là refroidis. Oui, ils sont bouillants, ils me brûlent les doigts. Oui, oui, vous avez de la peine à me remettre, parbleu, parce que j'ai pas ma voiture. Et oui, ça change les personnes des fois. Et alors, ça va toujours comme vous voulez, Madame Laure. Servez vite. C'est pas agréable d'être accosté par un individu qui s'est fait ramasser. Qu'est-ce que vous dites? Je vous parle pas. Oh, tu dis, je me suis fait ramasser, poison. Eh ben, et toi, t'as pas été dans le panier à salade, là, alors? Mais si j'avais eu autant de pièces de 100 sous que t'as été deux fois dans le panier. Mais va donc, alors. Cheval d'or. Dessalé, va! Ah, bon sang! Vos gueules, on peut pas dormir! Mais pour sûr que c'est une morue! Il n'y a pas plus morue que cette femme-là! Pour attraper une personne dans le moment qu'elle se fait servir, faut avoir perdu le sentiment, fous-moi le camp! J'ai heureux encore que je ne t'ai pas fait ramasser! Voyons, un homme à qui je prête depuis des mois! Des 20 sous et des 40 sous par semaine. Oui. Mais il n'a pas de quoi savoir vivre. Je vais t'expliquer. Il n'a pas de savoir vivre. L'Auverpin. Mais écoute-nous. Il se file. Il ne veut rien entendre. Non, mais c'est vrai, ce que j'ai contre cette morue-là, c'est que toutes font comme elle. Toutes, elles font mine de ne pas me connaître. Alors, si je peux plus vendre mes légumes, j'ai plus qu'à crever. En vrai, j'aurais volé, assassiné, j'aurais la gale, que ça serait pas plus pire. Et le froid, et la faim, j'ai pas mangé. Aïe. Allez, ben alors crève donc, Père Crankville. Il y a des moments, en vrai, où on regrette de plus être en prison. Oh mince, là, un agent. Tiens. Oh, mais que je suis bête. Puisque je connais le truc, pourquoi que je m'en servirais pas? monsieur l'agent. Quoi? Monsieur l'agent. Mais que voulez-vous? Mort aux vaches. Quoi? Mort aux vaches, que je vous ai dit. Ah, mais ce n'est pas à dire. Oh. Pour sûr et certain que ce n'est pas à dire. À votre âge, on devrait avoir plus de connaissances. Allons, passez votre chemin. Mais pourquoi que vous m'arrêtez pas? Bon, il fallait empoigner tous les poivrons qui disent ce qui n'est pas à dire. Il y aurait de l'ouvrage. Et de quoi que ça servirait? Mais c'était pas pour vous que j'ai dit, Morova. C'était pas plus pour l'un que pour l'autre que je l'ai dit. C'était pour une idée. Que ce soit pour une idée ou pour autre chose, c'était pas à dire. Parce que quand un homme fait son devoir et qu'il endure bien des souffrances, on ne doit pas l'insulter par des paroles futiles. Alors je vous réitère de passer votre chemin. Papa Crankbee, qui est-ce qui parle sur ma tête? C'est-y un miracle? Papa Crankbee! Ah, c'est toi la souris. Vous allez comme ça, sans parapluie? Où que je vais? Oui. Je vais me jeter dans la Seine. Oh, mais faut pas faire ça. Fait trop froid, puis c'est trop mouillé. Oh, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Faut se remuer, mon vieux papa. Faut vivre. Il faut vivre. Mais pourquoi? Je sais pas, moi. Mais faut se dégrouiller. Ça dure pas tout le temps, la mistouffe. Vous en vendrez encore des choux et des carottes, c'est moi qui vous le dis. Viens avec moi. Ouais. J'ai un pain, du saucisson et un lit. On soupera comme des millionnaires. Et je vous ferai un lit comme le mien. Avec des sacs et des copeaux. Puis on verra demain s'il fait jour. Allons. Viens, mon vieux papa. Ah, mon petit gars, t'es jeune, t'es pas encore gâté. Le monde est mauvais, t'es pas encore du monde. Ah, mon petit Loupio, tu peux te dire qu'à ton âge, t'as sauvé un homme. Oh, c'est pas une si belle affaire. Y a pas lieu d'en être fier, ça changera pas le cours de la lune. Ça n'embellira pas la République. Mais t'as sauvé un homme. Après l'hommage rendu à Léon Blum par messieurs Gérard Jacquet, Jules Mock, Jean Guéhenault et René Laloux, le Théâtre populaire de juin 1944 vient de vous présenter dans une production de Maurice Bertrand, Crankbee, pièce en trois tableaux d'Anatole France, réalisation de Roger Dattis et interprétation par Pierre Larquet, Henri Roland de la Comédie Française, Jean Mercure, Pierre Stéphen, Edmond Beauchamp, Hubert Prélier, Gaëtan Jor, Charles Lavial, Pierre Ferval, Jean Bourgogne, Marcel Alba, Suzanne Delvé, René Dandry, Laure Diana, Fanny Marette, André Gire, Olga Nilza. Bruitage Henri Saint-Georges, prise de son Jean Pantaloni, assisté de Jean Parantoine, assistante de production Odette Briane.